À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le comité mexicain d'études du kim-sunisme kim-jong-lisme a présenté dans son bulletin le contenu principal de l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, faisant honneur pour toujours aux grandes idées révolutionnaires du Sun-gun du camarade Kim Jong-il et à ses éminents faits en la matière.